En passant par Lourdes. Le rendez-vous avec le médecin-chef de la clinique du château Préville provoque des étincelles. Il n'est pas content du tout de perdre une patiente. Mais maman, passée maîtresse dans l'art de l'emberlificotage, n'en fait qu'une bouchée. Ce qu'elle veut, c'est ramener sa fille avec elle à Lausanne. Elle entend profiter du fait que son gendre est bloqué dans le sud avec ses élèves pour lui enlever sa femme. Et tous les moyens sont bons à condition de ne pas perdre de temps. Il faut éviter à tout prix que Faustine retombe sous l'emprise de son mari. Elle a besoin d'avoir la paix pour faire ses bagages et ses adieux. Le médecin, après moult palabres, finit par accepter. Dans 2 jours, les formalités administratives remplies, Faustine pourra récupérer les documents et ordonnances utiles. La jeune femme retrouve sa chambre le temps d'écrire à Jacques, son patron et ami de la Prana, une lettre dans laquelle elle explique longuement les derniers événements. En conclusion, elle quitte Maxime, il en va de sa survie, dut-elle retourner en Suisse pour cela. Elle espère du fond du cœur qu'il comprendra et pardonnera sa défection. Après coup, elle se sent incroyablement soulagée et envahie d'une joie immense. Si elle avait su que ce serait aussi simple, elle n'aurait pas attendu si longtemps. Subséquemment, si maman n'avait pas été là avec les solutions matérielles adéquates, aurait-elle sauté le pas? Difficile à dire. Le temps de réserver les places de train pour Paris, il reste 1 jour à tuer. Papa, maman et Faustine décident de visiter Lourdes. Un train direct y mène en moins d'une heure depuis Orthez. Fin mars, il fait encore frais. La saison touristique n'a pas commencé. Quel lapsus! Du tourisme à Lourdes? Mais vrai, on ne sera peut-être pas trop bousculé. Sans surprise, quand le trio arrive, les rues sont vides. Tellement grises et tristes! Faustine se dit que sur la masse des pèlerins qui parviennent jusqu'ici, la majorité s'en retourne chez elle sans miracle incontestable, abandonnant sur les murs la grisaille de leur désillusion. Manifestement, il y a plus de souffrance que de miracle dans cette ville. Les pavés suintent le malheur. Par contre, les boutiques d'objets religieux foisonnent. Faustine est surprise par l'immensité du site. Si la moitié n'était pas occupée par des commerces, la ville y gagnerait en crédibilité. Pourquoi faut-il toujours en passer par le fric? Jésus n'avait-il pas chassé les marchands du temple? L'eau bénite de Lourdes, vendue dans des bouteilles made in China, fait douter la jeune femme de la gratuité de l'amour divin. Avec ses parents, elle parcourt l'esplanade où des milliers de pèlerins s'agenouillent chaque année. Ils visitent les 2 basiliques, puis se dépêchent de se rendre à la grotte de Massabielle avant la ruée de l'après-midi. Là, Faustine brûle un cierge aussi gros qu'elle et déclare en riant « Pour le divorce !» Le lendemain, à Orthez, Faustine boucle ses valises et fait ses adieux à Maya. Celle-ci questionne. « Alors, ce rendez-vous avec ta maman ?»« Alors, en divorce !»« Comment ça ?»« Oui, je remonte à Paris, demain. Le temps de démissionner et de remplir mes malles, nous serons en Suisse dans 4 jours. Mais on se reverra, ne t'inquiète pas, on garde le contact. »« Je l'espère bien. Au revoir alors, et bonne chance !» À 11h, Maxime téléphone. L'heure est grave, lourde de responsabilités. Faustine tremble de tous ses membres. Elle a prévu un cendrier et des cigarettes, mais oublié le briquet. Heureusement, Maya passe dans le coin et la dépanne. Maxime semble tellement heureux d'avoir retrouvé ses filles, et bientôt sa femme, que Faustine a le cœur serré à l'idée du coup qu'elle va lui porter. « Mon amour, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'ils t'ont trouvé à l'hôpital ?»« Rien. » »« Il n'y avait rien, en fait. Ça s'est résolu d'une minute à l'autre. »« Tant mieux. J'espère que ça ne se reproduira plus. »« Maxime, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose de grave et d'important. »« Je t'écoute. » « Je vais te quitter, Maxime. Je ne rentre pas à la maison. Je pars refaire ma vie en Suisse. »« Maintenant ?»« Oui, maintenant. » »« Alors que tu vas de nouveau bien, qu'on aurait pu se retrouver ?»« Tu es sûr que c'est ce qu'il faut faire ?»« Qu'en pense le docteur ?»« Il est d'accord avec moi si c'est ce que je souhaite. » »« Bon, je suppose que tu as bien réfléchi. » »« Oui, j'ai bien réfléchi. » Excuse-moi, mais il faut que je raccroche, je suis un peu assommée là. C'est drôle, tu m'assènes ça dans la même cabine téléphonique d'où je t'ai appelé pour notre tout premier rendez-vous. Là où tu m'as dit 2 mois plus tard que tu voulais me quitter déjà. Elle aura vu le début et la fin de tout. Adieu, Maxime, murmure Faustine en raccrochant. Elle n'en revient pas que ça ait été aussi simple. Elle est libre. Libre! Elle a envie de rire et de pleurer à la fois. Elle ressent un soulagement immense, mêlé à une incommensurable tristesse. Quel gâchis! Toutes ces années pour en arriver là. Quitter Maxime, c'est aussi quitter le dernier lien qui la rattache à Julien. Elle n'ira plus jamais sur la tombe de leur fils. En même temps, elle quitte un navire qui prend l'eau de toutes parts. La jeune femme redresse la tête et décide de se tourner résolument vers l'avenir, de laisser le passé à la place qui lui revient et de se reconstruire. Le lendemain, Faustine et maman sont à Saint-Rémy. Grâce aux bons soins de Rosario, la maison est propre et bien arriérée. Dans la boîte aux lettres, un courrier de Maxime attend Faustine. Il lui écrit en substance qu'il ne regrette pas la loque pathétique qu'elle était devenue ces derniers mois. Tout en le déplorant, il préfère que la séparation ait lieu avec une Faustine redevenue elle-même. Il la remercie pour ses 13 ans de bonheur. Il regrette terriblement son comportement de hussard lors de son passage à Orthez, mais aussi il avoue avoir eu l'impression d'atterrir comme un steak chez des boat people. Il demande à Faustine de ne pas partir tout de suite, de patienter 1 mois ou 2 le temps que la vapeur retombe. Ne dit-on pas qu'il faut y aller doucement quand on arrête de boire? De plus, Jacques va sûrement se sentir trahi. Il termine en insinuant que ses beaux-parents ne sont certainement pas étrangers à cette prise de décision. Les 3 derniers jours ont été éprouvants. Mère et fille décident d'un temps de repos. Elles iront acheter des malles demain. Elles ne sont pas assises depuis 5 minutes que le téléphone sonne. C'est Maxime. Vous êtes arrivée? Comme tu vois. Tu as reçu ma lettre? Oui, en arrivant. Tu as réfléchi? Tu persistes à tout détruire? Non, je veux reconstruire ailleurs. Et ça te fait rien de laisser tomber Jacques et Claude et tous nos amis? Tu te répètes, mais oui, ils comprendront. Je suis désolée de n'avoir pas su te convaincre que nous pouvions encore tout recommencer. Ça aussi, tu me l'as déjà dit. Alors si je ne peux plus rien, pour t'empêcher de partir, sois gentil, ne sois pas trop brutal, écris-moi. Appelle-moi de temps en temps. Promis. Au revoir, Maxime. En soirée, Faustine téléphone à Jacques. Rendez-vous est pris pour le lendemain à midi. Sitôt qu'il la voit, son ancien patron serre Faustine dans ses bras à l'étouffer. Sa bonté, sa joie de vivre communicative emplissent ce petit restaurant, quasi désert un jour de semaine. Il est ravi de faire la connaissance de maman. Celle-ci a soigné l'emballage pour l'occasion. Être le centre intérêt de ces 2 personnes si proches, manifestant si visiblement l'envie de la sauver, emplit Faustine de reconnaissance. Son patron lui avoue qu'il sentait le vent tourner. Il y avait eu trop de signes précurseurs. Voir la jeune femme s'épuiser au travail pour éviter de rentrer chez elle, constater jour après jour les dissensions au sein du couple, l'isolait au plus haut point. Sans être pro-divorce, il rejoint maman pour admettre que c'est la seule solution vu les circonstances. Il ne porte plus tellement Maxime dans son cœur depuis que ce dernier a quitté la société pour s'installer chez la concurrence en emportant tout son carnet d'adresses. Mais même sans cela, il a compris que le contentieux était trop important et la situation irrécupérable, surtout après le décès de Julien. Il est impératif que Faustine s'éloigne. « Mais tout l'argent que je te dois, oublie-le, je le ferai passer en prime. » « Viens demain au bureau prendre ton certificat de travail et dire au revoir à Claude. Après tout, c'est lui et ton supérieur direct. » L'après-midi et la soirée se passent à remplir les malles. Faustine ne doit pas se louper. Elle choisit soigneusement toutes les photos qui lui sont précieuses. Sélectionne quelques vêtements de bébé en souvenir de Julien. Elle récupère les lettres d'amour de Maxime qu'elle avait reléguées au grenier. Peut-être lui serviront-elles un jour si elle veut écrire l'histoire de sa vie. Sans aller jusque-là, elle ressent le besoin d'une preuve matérielle qu'elle a été aimée. Ses lettres sont une preuve tangible de ce qu'elle a vécu ces 13 dernières années. Elle y ajoute ses certificats de travail et des livres auxquels elle tient particulièrement, ainsi que les petites cuillères en vermeil offertes par ses parents. Il n'y a pas de raison qu'elle sorte de la famille. Elle emballe aussi les disques qui lui ont été personnellement dédicacés par leurs amis musiciens, de Maxime Souris et Marc Laferrière à Michel Bastide et Mighty Flea Connors. Il ne lui reste plus qu'à passer à la poste pour boucler son compte épargne. Là, elle tombe sur un os. La guichetière lui fait des misères. Elle l'énerve tellement à exiger d'innombrables documents que pour finir, Faustine remonte en trombe à la maison. Redescend avec un tiroir de paperasse qu'elle déverse carrément sur le guichet de la dame. Rien que sa tête vaut son pesant d'or. Quel bien ça fait de se lâcher un peu, même si elle n'obtient pas satisfaction au bout du compte. Son livret A ne sera jamais clos. Les malles dûment cadenassées resteront empilées au salon en attendant que Maxime veuille bien les lui envoyer. Cela fait, elle remplit deux énormes valises de ses vêtements et objets de toilette, puis amène le tout à la consigne de la gare de Lyon. Elle les retrouvera à Lausanne. Mission accomplie. Comble d'ironie, le jour même où elle quitte le pays, Faustine reçoit son passeport français.